Au programme de cette review, Graveyard Shift, sorti chez Glénat Comics le 3 février 2016 au prix de 14,95€ et qui regroupe les 4 épisodes de la mini-série publiée chez Image Comics aux USA et signée par Jeff Ferber. Pour ce qui est du scénario, Jeff Ferber est un scénariste maintenant assez connu qui a travaillé sur Generation X, New Warriors, mais également chez Image Comics, il est connu pour la récente série Copperhead, pour Near Death, Dynamo 5, Noble Cause aussi. Noble Cause d'ailleurs sur lequel il a travaillé avec le dessinateur de Graveyard Shift qui est Fran Bueno, artiste originaire de Galice, qui a surtout donc dans les comics travaillé avec Jeff Ferber sur Noble Cause et donc maintenant Graveyard Shift. Graveyard Shift, c'est quoi? C'est l'histoire de Liam qui est membre des forces spéciales d'une brigade criminelle qui mène une enquête autour de la disparition de plusieurs jeunes filles, disparition mystérieuse. Et au cours d'une perquisition en pleine nuit, les choses vont mal tourner pour lui et pour toute son équipe. Ils vont se trouver confrontés à un suspect qui présente une force surhumaine. Ils vont le cribler de balles, il va traverser la baie vitrée et se retrouver dans la rivière, mais jamais être retrouvé. Suite à ça, une grande offensive va être lancée et tous les membres de l'équipe de Liam vont être tués les uns après les autres. Et lors de l'attaque de son domicile, ce n'est pas Liam qui est tué, mais Hope, sa fiancée, qui est visée, sa petite amie, donc qui est attaquée. Tout le monde la croira morte, mais évidemment ce n'est pas le cas, puisque Hope est devenue un vampire. Et suite à ça, on va se lancer dans une histoire d'amour. Comment Liam va-t-il faire pour surmonter cette nouvelle? Et comment vont-ils éventuellement se venger et résoudre finalement l'enquête de Liam autour de la disparition de ces jeunes filles? Une histoire clairement qui ne révolutionnera pas les comics, qui ne révolutionnera pas non plus le genre des histoires de vampires. Le scénario est plutôt simpliste, les facilités sont nombreuses. Je pense que le plus gros défaut en fait de Graveyard Shift, c'est d'être en 4 épisodes. Et du coup, Jeff Ferber a tout condensé, quitte à prendre des raccourcis, des facilités, et à nous résoudre franchement un peu facilement la situation, notamment la fin, le dernier chapitre est hyper décevant, puisque presque bâclé, enfin la fin est presque bâclée entre guillemets, et plein de choses sont juste survolées dans ce récit. Une chose qui m'a moi dérangé plus que ça, c'est l'espèce de facilité avec laquelle Liam et un peu tout le monde finalement accepte l'existence des vampires. Ils n'ont jamais été confrontés à ce phénomène, mais c'est normal, voilà. Hope devient un vampire, c'est lui-même qui le comprend et qui lui annonce, du coup t'es devenu une vampire. C'est hyper facile et tout sauf réaliste, évidemment. Une histoire qui cependant se laisse franchement bien lire, moi j'ai lu d'une traite et j'ai passé plutôt un moment sympa. Si on accepte la facilité du scénario et son manque d'ambition réel et criant pour moi, et ben on passe un bon moment, on se laisse emporter par l'histoire, par ces personnages qui sont plutôt agréables et relativement attachants, et ce rapidement. Et c'est peut-être pour ça aussi que je suis allé aussi vite à la fin et que je n'ai pas arrêté en cours de route, puisque clairement aucune surprise n'est à attendre du récit. Le dessin de Fran Bueno est bon. Franchement, c'est un artiste que je ne connaissais pas, parce que je n'ai pas lu Noble Cause, l'autre collaboration avec Jeff Ferber. Le dessin est sympa, pas mal de détails dans les décors, sur les personnages aussi. Un style qui, moi, m'a paru percutant et qui m'a bien accroché. Pour ce qui est de l'édition, là encore, c'est Glénat Comics, donc un bel objet un peu cher, 4 épisodes pour 14,95€, 122 pages, surtout qu'elles se lisent assez vite, puisque c'est pas hyper verbeux au niveau du dialogue, donc voilà, c'est une expérience de lecture d'une vingtaine de minutes, donc c'est un peu rapide pour 14,95€. À vous de voir si vous vous laissez tenter. Pour ma part, la note moyenne de ce Graveyard Shift est de 12,7 sur 20, évidemment. Un scénario plutôt basique, sans grande surprise, des dessins efficaces et une édition correcte, bien que un peu chère. Graveyard Shift est dispo, je vous le disais, depuis le 3 février chez Glénat Comics. Si vous le lisez, n'hésitez pas à venir donner votre note et votre avis sur cet album sur comicstories.fr. Et quant à nous, on se retrouve évidemment très vite pour une prochaine review.